À l'occasion de la journée mondiale du sida, une cérémonie a eu lieu le 1er décembre au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont participé des cadres coréens intéressés et du secteur sanitaire, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, le coordinateur permanent de l'ONU et délégué permanent du programme des Nations unies pour le développement en Corée, des membres des institutions internationales et des diplomates de divers pays à Pyongyang. Ce jour-là, des établissements chargés de propagande hygiénique à Pyongyang et à toutes les provinces ont organisé des activités correspondantes.